إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc l'intitulé de cette intervention concerne des questions-réponses, des questions posées au grand savant al-allama al-sheikh al-doctor Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Ce sont des questions qui ont été posées après une conférence que le cheikh avait fait qui s'intitule Madahiru Da'fil Aqidati fi hadha al-asr wa turuq ilajiha. C'est-à-dire manifestation de la faiblesse de l'aqida à notre époque et les moyens de s'en guérir. Et cette conférence, j'ai eu l'occasion de la faire et de la traduire à Tourcoing le week-end dernier, en deux cours, Inch'Allah, et il restait des questions-réponses, Alhamdoulilah, puisqu'on avait un peu de temps, donc on va essayer de voir certaines de ces questions. As-su'al al-awwal, première question, هل هناك ضوابط أو قواعد للتفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وجزاكم الله خيرا. La question dit, y a-t-il des paramètres ou des règles pour différencier entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, c'est-à-dire entre le grand polythéisme et le petit polythéisme, qu'Allah vous récompense. Al-Jawab, la réponse. Na'am, هناك فوارق كبيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Il dit oui, il y a de grandes différences entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. وإن كان كل منهما شرك, même si les deux sont considérés comme polythéisme. ولكن الشرك الأكبر يخرج من الملة. Mais le grand polythéisme fait sortir de l'islam, fait sortir de la communauté. Wa yubtilu al-iman, et il vient à annuler la foi. Wa yusbihu al-insanu bimuqtadahu kafiran mushrikan, et de là la personne elle devient mécréante polythéiste. Wa ash-shirku al-asghar la yukhriju min al-millah, et le polythéisme mineur ne fait pas sortir de la communauté, ne fait pas sortir de l'islam. ولكنه ينقص العقيدة, mais il vient à diminuer le dogme. وينقص الإيمان, et il vient à diminuer la foi. وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر ولا يتهاون به, et c'est un moyen pour atteindre le grand polythéisme. Le petit polythéisme est un moyen pour atteindre le grand polythéisme, donc ce n'est pas une chose à négliger. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on entend que le petit polythéisme ne fait pas sortir de l'islam, n'a pas les mêmes conséquences que le grand polythéisme, que quelqu'un comprendrait qu'on est en droit de ne pas, de négliger le petit polythéisme. Non, c'est grave, bien qu'il est moins grave que le grand polythéisme. As-su'al al-thani, deuxième question. أنا مدرس لمادة التوحيد في الصف السادس الابتدائي. ما نصيحتكم لي تجاه الطلاب لكي نثبت العقيدة في نفوسهم؟ Je suis un enseignant, un professeur qui enseigne la matière du tawhid. Là, ils sont en Arabie. Et en Arabie, dans les écoles publiques, ils ont l'éducation religieuse. Et ils ont des matières. Et parmi les matières, il y a la matière du tawhid. Donc ça, on a affaire à un enseignant du tawhid. Dans, à la sixième année de, du primaire, quel est votre conseil pour que je puisse raffermir la croyance dans les cœurs des étudiants ou des élèves? Quel est, il demande un conseil au shir, comment, quel est le moyen pour pouvoir enseigner le tawhid aux élèves de sorte que le tawhid entre bien dans le cœur de ses enfants. Al-Jawab, la réponse. Kama sami'ta ya akhi, comme tu as entendu, ô mon frère. Puisque les questions, elles font suite à quoi? À une conférence. Awalan, premièrement, la budda an takuna ala ilmin bil aqida. Il faut obligatoirement que tu aies du savoir dans le domaine de l'aqida. C'est clair. Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner, même s'il fait les efforts qu'il veut, hein, ou il joue la comédie qu'il veut, il ne pourra pas. S'il ne connaît pas la matière, il ne pourra pas l'enseigner. Donc déjà, il faudrait que cette personne... Il y a des personnes qui ont des diplômes. Ils ont des diplômes. Mais ils ont travaillé que pour les diplômes. Mais au final, ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont étudié. Il y en a qui ont une facilité de mémoriser. Et ils mémorisent la veille des examens. Et parfois même, ils savent pratiquement que, sur quel domaine ils seront questionnés. Donc, ils vont se concentrer sur les questions de l'examen. Quelques jours plus tard, ils ont tout oublié. Mais il a son diplôme, et avec son diplôme, eh ben, ça lui permettra d'enseigner. Mais en vérité, au fond de lui, il sait qu'il n'en a pas la capacité. Mais c'est qu'un salaire qu'il attend à la fin du mois. Wal'iyadu billah. Une fois, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a dit, parmi le mal de notre époque, c'est que si Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah venait à venir, eh ben, il ne serait pas accepté comme professeur dans les universités. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les diplômes pour les gens. Et vous verrez que les plus grands ulama qui sont morts la plupart, rahimahumullah, et qui étaient déjà d'un certain âge à la création des universités dans les pays musulmans, ils n'ont pas de cursus universitaire. Mais eux, ce sont les professeurs de ceux qui ont pris leur doctorat dans les universités. Subhanallah. On néglige pas les diplômes, mais le diplôme en lui-même ne te permet pas de dire n'importe quoi. Le diplôme n'est pas un papier qui te permet de rendre halal ce qui est haram, de rendre haram ce qui est halal, ou de raconter dans la religion ce que bon te semble. Non. Tayyib. Donc il dit la budda an takuna ala ilmin bil aqida fahiman laha ala al wajh al sahih. Il faut obligatoirement que tu aies de la connaissance dans l'aqida et que tu la comprennes d'une façon authentique. Thaniyan, deuxièmement, la budda an tahtamma bi tawdihiha wa isalaha ila at-tullab ala al-wajh as-salim. Il faut aussi que tu essayes, tu fais les efforts de la clarifier et de l'amener aux élèves par un moyen sain. Thalithan, ça ne suffit pas de lire, hein. Tu as un programme, tu le lis aux élèves, tu dis c'est bon, je leur ai lu. Non, tu lis le programme et tu leur expliques de sorte qu'à la fin du cours, Inch'Allah, ils ont bien compris ce qu'ils ont étudié. Thalithan, troisièmement, la budda an tashraha muqarrar at-tawhid alladhi bi aydihim. Donc là, le cheikh, hein, il parle parce qu'il est en Arabie et il y a les études religieuses dans l'école publique et il y a les matières et pour chaque niveau scolaire, il y a une partie à étudier. Donc il lui dit, et il faut que tu leur enseignes toute la partie qui leur convient, qui a été prévue, que les élèves auraient dû étudier, et que tu leur expliques. Tuwaddihuhu lahum wa tubayyinuhu lahum. Tu leur clarifies, tu leur détailles ce thème. Wa la tatruk minhu shay'a. Et tu n'en délaisses rien. Tu n'en délaisses rien. Pourquoi? Parce qu'il y en a, et on le verra dans d'autres questions, ils font le tri. Il dit ça c'est pas important, ça c'est important, ça on ne te posera pas comme question. Voilà. Et il est pressé le professeur pour terminer le programme dans l'année. Alors que normalement, s'il se concentrait convenablement, il a la capacité de pouvoir leur donner tout le programme. Ça a été étudié pour que le programme suffise pour une année scolaire. تقول هذا غير مهم en prétendant ou en disant ceci c'est pas important لأننا مع الأسف car et cher dit on est désolé de l'avoir remarqué نسمع أو قد عايشنا وقت الطلب car on entend et on l'a même vécu à l'époque où on étudiait من يقسم المقرر إلى مهم وغير مهم il y en a qui divise le programme en ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et il dirige les élèves vers les questions qui seront sur lesquelles ils auront les contrôles ou les examens. Tout en délaissant tout le reste du livre. Et les élèves terminent les sessions scolaires sans avoir compris ce qu'il y a dans le livre. Nous recommandons à l'enseignant de craindre Allah, de faire preuve de piété envers Allah. Et qu'il explique le livre entièrement selon sa possibilité, selon ses moyens et sa capacité. وَلَا يُقَسِّمُهُ إِلَى مُهِمٍ وَإِلَى غَيْرِ مُهِمٍ et qu'il ne divise pas le livre en des choses qui sont importantes et d'autres qui ne le sont pas. وَيُلْغِي بَعْضَ الْأَشْيَاءِ et il annule certains chapitres. قَدْ يَكُونُ الَّذِي أُلْغِيَ هُوَ الْمُهِمٍ et il se pourrait même que ce qui a été annulé comme chapitre, c'est ça qui était vraiment important. قَدْ يَكُونُ الَّذِي أَلْغَيْتَهُ مُرْتَبِطًا بِمَا سِوَاهُ et il se peut que ce que tu as annulé est en relation et lié à ce que tu vas enseigner. وَلَا يُفْهَمُ الَّذِي تَهْتَمُّ بِهِ إِلَّا بِالَّذِي حَذَفْتَهُ et on ne pourra comprendre convenablement ce que tu as considéré comme être important qu'avec la partie qui a été enlevée. لأن العلم مترابط بعضه مع بعض. Car le savoir, les parties du savoir sont liées les unes aux autres. ثالثاً, troisièmement. سائل من الإنترنت من ليبيا يقول ما هي الطريقة الصحيحة العلمية لتقوية العقيدة في قلب المسلم؟ يقدر؟ On dit quoi ? Yarhamukallah. Un questionneur par internet de Libye qui dit quel est le meilleur cheminement, le cheminement authentique, scientifique pour renforcer la aqida, le dogme, dans le cœur du musulman ? La réponse, al-jawab, at-tariqatu sahiha, le cheminement authentique. Awwalan, premièrement, قوة الإيمان بالتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله التوفيق وإخلاص النية لله عز وجل في العلم والعمل والتعليم. Donc, avoir une foi très forte en cherchant refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'attachant à lui, en lui demandant, en l'invoquant, de lui demander la réussite et la sincérité dans l'intention pour Allah Azza wa Jal, que ce soit pour l'apprentissage, la pratique et l'enseignement. ثانياً, deuxièmement, الأمانة في توصيل المعلومات للطلاب بأن نوضح لهم العقيدة الصحيحة. D'être digne de confiance dans ce qu'on enseigne, dans ce qu'on transmet comme savoir pour les étudiants et pour les élèves, en leur clarifiant la aqida authentique, la siyama إذا كان بأيديهم كتاب مقرر. Surtout s'ils ont entre leurs mains un livre qui est le programme même, c'est leur programme. لا بد أن نعتني بهذا الكتاب بشرحه. On se doit obligatoirement de faire l'effort d'expliquer ce livre. ولا تقتصر على فهمك أو على مجرد قراءة الكتاب. Et ne te contente pas seulement de ta propre compréhension ou de ta propre lecture du livre. ولا بد أن تراجع الشروح وكلام أهل العلم حول مسائل هذا الكتاب حتى تفهمه وتفهمه لطلابك. Mais il faut obligatoirement revenir aux grands commentaires de ce livre pour regarder et voir ce que les savants ont dit sur les thèmes du livre pour que, d'un côté, que tu puisses bien le comprendre et que tu puisses le faire comprendre aux élèves. السؤال الرابع, quatrième question. نجد كثيرا ممن يدعون الناس إلى التوحيد في الدول الإسلامية يتفرقون وينقسمون إلى جماعات وكلهم يدعون إلى التوحيد مع الأسف مع أن العقيدة تجمع ولا تفرق. Nous voyons beaucoup de ceux qui prêchent les gens vers le monothéisme dans les pays musulmans se diviser en plusieurs groupes. Et tous appellent au monothéisme, alors que normalement, la aqida, elle doit les réunir. Al-Jawab, la réponse. Ma adhunnu hadha sahihan. Je ne pense pas que cela est vrai. Ma adhunnu anna al-mutafarriqina yad'una ila al-tawhid. Je ne pense pas que ces personnes qui sont divisées appellent et invitent au monothéisme. لو كانوا يدعون إلى التوحيد ما تفرقوا. Si ils invitaient, ils prêchaient vers le monothéisme, ils ne se diviseraient pas. لكنهم يدعون إلى أفكار ومناهج. Mais plutôt, ils appellent, ils invitent vers des opinions et vers des cheminements. كل لديه منهج. Chacun, il a sa propre voie. كل حزب بما لديه فرحون. Puis il a ramené le verset coranique où Allah il dit dans le sens du verset, chaque parti est fier et content de ce qu'il a. وَإِلَّا لَوْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ دَعْوَةً صَحِيحَةً لَاجْتَمَعُوا وَلَأْتَلَفُوا. Et si véritablement ils appelaient au monothéisme d'une manière authentique, ils seraient réunis et leur cœur serait uni. لأن التوحيد هو الذي ألف بين من قبلنا وهو يؤلفنا ويؤلف من بعدنا. Car le monothéisme, c'est ce qui a uni ceux qui nous ont précédés, c'est ce qui nous unira et c'est ce qui unira ceux après nous. إن الجهل بالتوحيد أو عدم الاهتمام به هو الذي يفرق الدعاة. Certes, l'ignorance dans le domaine du monothéisme ou ne pas donner l'importance au monothéisme, c'est ce qui divise entre les prêcheurs. السؤال الخامس, cinquième question. هذا السائل يا معالي الشيخ يقول إني أحبكم في الله وما الفرق بين عقيدة المرجئة والخوارج وكيف نميز عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة. La question, elle dit, voilà une personne qui demande, votre excellence, je vous aime en Allah, quelle est la différence entre le dogme des Murji'a et le dogme des Khawarij? Et comment distingue-t-on le dogme de Ahl Sunnah wa Jama'a authentique? Al-Jawab, la réponse. Aqidatul Murji'a متناقضة مع عقيدة الخوارج. Le dogme des Murji'a est en contradiction avec le dogme des Khawarij. فالخوارج متشددون والمرجئة متساهلون. Les Khawarij sont durs, ils vont dans l'excès, et les Murji'a sont laxistes. الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون الشرك. Les khawarij, ils rendent mécréants, ils taxent de mécréants pour des péchés qui sont en dessous du polythéisme. والمرجئة يقولون الذنوب لا تضر إذا كانت دون الشرك. Et les murji'a disent les péchés ne nuisent pas au dogme ou à la foi tant que ça n'atteint pas le polythéisme. Donc pour les uns, les premiers, les durs, ceux qui vont dans l'exagération et l'excès qui sont le khawarij, les péchés font sortir de l'islam. Pour les autres, ça ne tâche même pas l'islam. L'islam, il est comme il est. Ça n'a aucune nuisance. وَلَوْ كَانَتْ كَبَائِرَ Même si c'est des grands péchés. مَا دَامَ صَاحِبُهَا مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَانِ لَا تَضُرُّهُ الْمَعَاصِي. Là, c'est pour parler des murji'a, même si ces péchés qui sont en dessous du polythéisme, même si c'est des grands péchés, ça n'entache pas la foi. Tant que la personne, elle est croyante, sa foi, elle est parfaite, elle est complète, et ses désobéissances ou ses péchés ne la nuisent pas. وَالْعَمَلْ لَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ Donc pour, toujours pour le murji'a. Et l'œuvre ne fait pas partie intégrante de la foi. بَلِ الْعَمَلْ هُوَ قَوْلٌ وَاعْتِقَانِ Mais l'acte, c'est une parole et une conviction. أَوْ اِعْتِقَادْ فَقَطْ J'ai l'impression que c'était l'iman, mais c'est une faute d'impression. وَاللَّهُ أَعْلَمْ Mais pour eux, la foi, c'est une parole et une conviction. أَوْ اِعْتِقَادْ فَقَطْ Ou alors, seulement une conviction. Même pas la parole. Même la parole, elle ne rentre pas dedans. أو معرفة بالقلب فقط ولو لم يعمل ou alors ce n'est qu'une connaissance même pas une conviction une connaissance dans le cœur seulement même si la personne n'agit pas لأن المرجئة فرق كثيرة car les murji'a à l'intérieur de murji'a il y a plusieurs tendances et il a ramené quelques tendances المهم أنهم على النقيض من الخوارج. L'essentiel, c'est qu'ils sont tout le contraire des خوارج. فالخوارج متشددون مغالون. Les خوارج sont durs et ils vont dans l'excès. Ils sont extrémistes. والمرجئة متساهلون. Et les مرجئة, ils sont laxistes. Ils négligent. وكلا الطائفتين على ضلال et les deux parties sont dans l'égarement ni l'un ni l'autre n'est dans le vrai والقول الوسط قول اهل السنه et l'opinion médiane est celle des adeptes de la sunna ان الكبائر التي دون الشرك لا تخرج صاحبها من المله كما تقول الخوارج donc chez اهل السنه Les grands péchés qui sont en dessous du polythéisme ne font pas sortir celui qui les a commis de la communauté, ne le font pas sortir de l'islam comme le prétendent ou comme le disent les khawarij. لَكِنَّهَا تَضُرُّ وَتَنْقُصُ الْإِيمَانِ خِلَافًا لِلْمُرْجِعَةِ Mais ces péchés, ces grands péchés seront nuisibles, entacheront la foi et baisseront du degré de la foi en contradiction avec l'opinion des murji'a. As-su'al as-sadis, question numéro 6. كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي الى 73 فرقه والحديث في المسند عن الامام احمد وابن ماجه والترمذي وان تجتمع كلمه الامه على قول واحد. Donc sixième question. Comment rassembler entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté, ma nation se divisera en 73 tendances, et le fait de demander qu'on soit tous unis sur une même parole. Comment rassembler entre ces deux paroles? Comment le prophète dit qu'on sera divisé, et au même moment, on demande aux gens d'être unis? الجواب la réponse الفرقة الناجية واحدة la faction rescapée n'est qu'une le groupe sauvé n'est qu'un هي كما في قوله صلى الله عليه وسلم elle est comme dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit tous iront en enfer sauf un seul groupe. Il a été dit, c'est qui, ô messager d'Allah? Et il répondit, alayhi salatu wassalam, ceux qui seront sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ned'ouhum ila hadhihi al-firqati al-najiyah. On invite les gens vers ce groupe sauvé, vers cette faction rescapée. Wa bidhalika yaslamuna min an-nar. Et avec cela, ils seront sauvés du feu de l'enfer. يَسْلَمُونَ مِنَ الضَّلَالِ Ils seront sauvés de l'égarement. فَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ Voilà la faction rescapée. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ Et louange à Allah. فِيهَا الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةِ Il s'y trouve dedans le bien et la bénédiction. فَالَّذِي تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ Donc, ce sur quoi la communauté se doit de se réunir, c'est ce sur quoi sont le groupe sauvé. As-su'alu as-sabi'. La question numéro 7. Hal yajuzu as-salatu? J'ai peut-être plus quoi de dire. Hal tajuzu as-salatu fil masajid allati fiha qubur? Est-il permis de faire la prière dans des mosquées où s'y trouvent des tombeaux? Salatun suriyya faqat. Une prière que d'image, c'est une image. Bon, vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui veut prêcher des gens. Ces gens-là prient dans des mosquées où il y a des tombes. Et lui se dit, pour me rapprocher d'eux, je vais faire ma prière avec eux. Mais au fond de lui, il n'est pas en train de prier. Donc c'est qu'une image. Salat souriya, c'est qu'une image. Mais ce n'est pas une vraie prière. Il pense bien faire. Comme ça, quand ils vont le voir qu'il est avec eux, eh ben ses paroles, elles seront peut-être plus acceptées. Zalika min ajli ta'lif qulubi ahli al-qubur. C'est pour me rapprocher des cœurs de ces gens qui prient vers les tombeaux. ثم دعوتهم لترك عبادة القبور. Puis de les inviter à délaisser l'adoration des tombeaux. وقد نفعت هذه الطريقة على قول من قام بهذه الطريقة. Et cette façon de faire a été bénéfique d'après certains qui l'ont déjà expérimenté. الجواب. La réponse. هذه طريقة ضالة. Ça c'est une façon de faire égarée. مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. En contradiction avec l'interdiction du messager صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. Car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit de prier près des tombeaux. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. Et il a interdit de prendre les tombeaux comme lieu de prière, comme mosquée. وَنَهَا عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ Et il a interdit de construire sur les tombeaux. وَالَّذِي يُصَلِّ عِنْدَ الْقُبُورِ مُخَالِفٌ لِنَهْيِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Et celui qui prie près des tombeaux est en contradiction, va à l'encontre de l'interdiction du messager sallallahu alayhi wa sallam wa salatuhu ghayru sahiha et sa prière n'est pas authentique li anna an-nahya yaqtadi al-fasad car l'interdiction amène quoi l'annulation de ce qui va suivre l'interdiction de prier dans tes endroits fait que la prière elle est annulée elle est caduque faqad salla salatan manhiyan anha car il a fait une prière qui lui a été interdite. فَلَا تَكُونُ صَحِحًا Donc elle ne sera pas authentique. وَلَيْسَ هَذَا هُوَ طَرِيقُ التَّأْلِيفِ وَطَرِيقُ الدَّعْوَةِ Et ce n'est pas cela le cheminement pour l'union des cœurs, ni pour le prêche. هَذِهِ مُدَاهَنَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ C'est plutôt un relâchement. Et il a cédé dans la religion d'Allah pour se rapprocher des gens. Et ce fait est interdit dans la religion d'Allah. La yajuzu hadha, cela n'est pas permis. Anta bayyin lahum bi annahu la yajuzu al-bina'u 'ala al-qubur, mais plutôt démontre-leur l'interdiction de construire sur les tombes. Wa la yajuzu as-salatu 'inda al-qubur, et l'interdiction de prier près des tombeaux. Wa la yajuzu ta'zim al-qubur ta'ziman yukhriju 'an ash-shar', Et il est interdit de magnifier les tombeaux d'une manière qui outrepasse les limites de la religion. فَإِنْ قَبِلُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ S'ils acceptent tes paroles, louange à Allah. وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا فَلَا تَتَنَازَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ مِنْ أَجْلِهِمْ Et s'ils n'acceptent pas, ils refusent tes paroles, alors ne cède pas dans quoi que ce soit de la religion pour eux. وَهُمْ إِذَا رَأَوْكَ طَاوَعْتَهُمْ وَمَشَيْتَ فِي دُرُوبِهِمْ فَرِحُوا بِهَذَا Et eux, s'ils te voient faire les mêmes choses qu'eux et être avec eux, alors ils vont être fiers de cela, de ce résultat. وَأَيْضًا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ أَمْرًا مُنْكَرًا مَا صَلَّ مَعَنَا Et qu'est-ce qu'ils vont dire aussi? Si vraiment cette chose-là était interdite, il n'aurait pas prié avec nous. Il ne serait pas venu prier avec nous. وَيَحْتَجُونَ بِكَ أَيْضًا Et ils vont même se justifier par ton geste. Hein, comme on l'entend. Même un tel, il était là. Même un tel, il était avec nous. Si c'était un mal, il l'aurait dit. Pensez-vous que c'est un peureux? Il n'a pas de courage. Pensez-vous être plus courageux que lui? Pensez-vous avoir plus de connaissances que lui? Et voilà. Et ça aussi, c'est un des grands mots lorsqu'on, les ulama parlent du danger des innovateurs et de ne pas être avec eux. Et celui qui s'approche d'eux, non pas pour les conseiller, pour les faire revenir à la droiture, mais qui rigole avec eux, qui mange avec eux, comme si de rien n'était, tout va bien, eh ben les gens s'en servent comme argument. Mais regarde un tel, il était avec eux, il a rien dit. Si vraiment c'était ça, ben il serait pas resté avec eux. Wal'iyadu billah. As-su'al al-thamin, question numéro 8. Idha kana 'indi naqsun fil 'aqidah, fa kayfa u'alijou hadha an-naqs? Si j'ai un manquement, une faiblesse dans ma aqida, dans mon dogme, comment me soigner de ce manquement ou de cette faiblesse? Al-jawab, la réponse, bi-amrayni, avec deux moyens. Al-awwal, premier moyen, islahun niyya, wa ihsanul qasd, wa talabul haqq. En réformant ton intention, en ayant un bon objectif, et en ne cherchant que la vérité. Al-amr al-thani, le deuxième moyen, ta'allam al-ilm al-nafi'. Étudie, apprends la science bénéfique. Ta'allam al-aqida al-sahiha, ala ahli al-iman wal-ilm. Apprends, étudie le dogme authentique auprès des gens de la foi et du savoir. La tata'allamha ala al-juhal. والمتعالمين ne l'apprend pas auprès des ignorants ou auprès des soi-disant connaisseurs. أو تقرأها من الكتب وتعتمد على فهمك ou alors que tu ailles lire dans des livres et tu te contentes de ta propre compréhension. تعلمها على الراسخين في العلم وأهل العلم donc tu l'apprends vers ceux qui sont versés dans la science et les gens du savoir. السؤال التاسع la question numéro 9 هناك من يقول نحن نجمع المسلمين اولا ثم ندعوهم الى التوحيد بعد تجمعهم وتكتلهم il y en a qui disent qui prétendent nous on rassemble les musulmans notre but le premier c'est de rassembler les musulmans puis ça c'est la première étape puis après on les appellera vers le monothéisme après les avoir rassemblés. Al-Jawab, la réponse. La yumkinu jam'uhum wa lan yakhda'u laka bi an tajma'ahum wa hum 'ala aqa'id mukhtalifa. Hadha tanaqud. Ce n'est pas possible de les réunir et tu penses qu'ils vont se soumettre à toi en les ayant réunis alors qu'ils ont des convictions et des croyances différence. Ceci est une contradiction. Ma yajtami'una illa 'ala at-tawhid. Ils ne pourront se réunir que sur le monothéisme. Wa 'ala al-'aqida as-sahiha et sur le dogme authentique. Fa idha kunta turidu jam' al-muslimin. Donc, si tu veux réunir, rassembler les musulmans, fajma'hum 'ala al-'aqida as-sahiha. التي يؤلف الله بها بين قلوبهم. Alors rassemble-les sur le dogme authentique avec lequel Allah réunit entre les cœurs. السؤال العاشر. Et en plus de cela, beaucoup de ceux qui disent cette phrase-là, on réunit les gens et après, non seulement eux ne connaissent pas le tawhid, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont leur enseigner. Et deuxièmement, ces gens-là qui vont être rassemblés n'entendront jamais parler de tawhid. Wal'iyadu billah. طيب طيب وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين